بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. D'après Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a dit « Alors que nous étions un jour assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint à nous habillé de vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et nul d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et mit ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. Puis il dit « Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. » Il dit « L'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison sacrée si tu en as les capacités. » L'homme dit alors « Tu as dit vrai. » Nous fûmes surpris qu'il l'interroge pour ensuite approuver sa réponse. Il lui demanda ensuite « Informe-moi au sujet de la foi. » Il dit « C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Il dit encore « Tu as dit vrai. » Il lui demanda ensuite « Informe-moi au sujet de la bienfaisance. » Il dit « C'est que tu adores Allah, comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. » Il lui demanda ensuite « Informe-moi au sujet de l'air. » Il dit « Celui qui est interrogé à son sujet n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. » Il lui demanda enfin « Informe-moi alors au sujet de ses signes. » Il dit « C'est lorsque la servante, l'esclave, engendrera sa maîtresse et que tu verras les miséreux bergers, aux pieds nus et mal vêtus, se concurrencer dans la construction des édifices. » Puis il partit. Omar dit ensuite « J'attendis un moment puis il me dit « Oh Omar, sais-tu qui était le questionneur ?» Je dis « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « C'était Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. » Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Ceci est le deuxième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, plus connu sous le nom de hadith de Jibril, qui est un hadith immense exposant les trois degrés de la religion qui sont l'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, la bienfaisance, ainsi que leurs piliers. Ce hadith, il expose donc en réalité la religion tout entière, et il expose également que les gens ne sont pas tous au même niveau en termes de religion. Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a donc dit, « Alors que nous étions un jour assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci faisait partie des habitudes des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils s'asseyaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'apprendre et profiter de lui. Et ils l'interrogeaient au sujet de leurs affaires religieuses et mondaines. Et lors d'une de ces assises, il dit « Un homme vint à nous, habillé de vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et nul d'entre nous ne le connaissait. » Ici, Omar, il n'a pas mentionné qui est cet homme. Mais comme vous le savez, c'était en réalité l'ange Jibril, alayhi salam, qui est venu sous l'apparence d'un homme, habillé de vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. C'est-à-dire qu'il est venu sous une belle apparence, avec des vêtements blancs et des vêtements propres. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, car ses vêtements étaient très blancs et ses cheveux très noirs. Il n'y avait aucune tache, ni de poussière dessus, alors qu'à cette époque, les traces du voyage étaient apparentes sur le voyageur, mais on ne voyait sur lui aucune trace de voyage. Pourtant, il dit, nul d'entre nous ne le connaissait. C'était donc un homme étranger. Il ne faisait pas partie des gens connus de Médine. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils furent donc très étonnés par cet homme qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant ne paraissait pas venir de voyage. Ceci attira donc leur attention. Cet homme s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mit ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. C'est-à-dire que cet homme posa ses mains sur ses propres cuisses et non sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une forme de respect et de révérence envers le prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est ainsi que doit s'asseoir l'étudiant en science lorsqu'il questionne un savant. Et ce, afin de profiter de lui, il s'assoit à proximité de lui et d'une façon correcte. Puis il dit « Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam ». Il n'a pas dit « Ô messager d'Allah ». Et ce afin que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum pensent que c'était un bédouin. Car les bédouins, ils appelaient généralement le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Ils disaient « Ô Muhammad », contrairement aux gens de Médine, qui l'appelaient et s'adressaient à lui en disant « Ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah ». Il lui a donc dit « Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam ». Et ceci est une question immense. Informe-moi au sujet de l'islam. Qu'est-ce que la religion de l'islam à laquelle tu appelles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison sacrée si tu en as les capacités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc mentionné ici les 5 piliers de l'islam, qui sont les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à Mecca. Et nous parlerons plus en détail de ces piliers dans le prochain hadith, incha'Allah ta'ala. L'homme dit alors, tu as dit vrai. Omar a alors dit, nous fîmes surpris qu'il l'interroge pour ensuite approuver sa réponse. Les compagnons, ils furent surpris pourquoi? Car à la base, quelqu'un qui pose une question, il est censé ignorer ce sur quoi il interroge. Et seul quelqu'un qui connaît la réponse peut confirmer que la réponse est vraie. Alors pourquoi cet homme interroge pour ensuite confirmer que la réponse est correcte? Ceci est surprenant et nous verrons par la suite, Inch'Allah, la sagesse de cela. Il lui demanda ensuite, informe-moi au sujet de la foi, informe-moi au sujet de l'Iman. Et ceci est une question immense également. Qu'est-ce que la foi? La foi chez les gens de la Sunna, elle désigne parole de la langue, croyance du cœur et acte des membres. Elle augmente par l'obéissance à Allah et diminue par les péchés et la désobéissance. Ceci est la définition de la foi chez les gens de la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ici des 6 piliers de la foi lorsqu'il a dit « C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. » L'homme dit encore « Tu as dit vrai ». Il continue de confirmer la bonne réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sont donc les 6 piliers de la foi. Et quiconque mécroit en l'un seul de ces piliers, il a certes mécru et sort du cercle des croyants. Le premier pilier est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la base de la foi. Et elle comprend 3 choses. Premièrement, la foi en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu crois qu'il est le seul seigneur, qu'il est le créateur, le souverain et celui qui administre tout. Deuxièmement, la foi en la divinisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est le seul en droit d'être adoré, lui seul et sans associé. Troisièmement, la foi en ses noms et ses attributs de la façon qui convient à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier est la foi en ses anges. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges à partir de lumière, Comme cela est confirmé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas besoin de boisson ni de nourriture. Ce sont des créatures soumises à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah. Nous croyons donc en ces créatures, même si nous ne les voyons pas, et ceci fait partie de la foi en l'invisible. Et les anges sont de différentes sortes et ont des rôles différents qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribués pour différentes sagesses. Et la foi aux anges, elle comprend la foi au nom de ceux dont nous connaissons les noms, comme le fait de croire qu'il y a un ange qui s'appelle Jibril, un ange qui s'appelle Mikaïl, un ange qui s'appelle Israfil, alayhi mussalatu wassalam. La foi également aux anges, elle comprend la foi en ce qu'ils accomplissent comme œuvre. Par exemple, Jibril alayhi salam est chargé de la révélation. Il la transmet d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers, alayhi mussalatu wassalam. Mikaïl alayhi salam est quant à lui chargé de la pluie. Israfil alayhi salam est chargé de souffler dans la trompe. De même qu'il y a des anges qui sont chargés d'écrire les œuvres des serviteurs. Ils écrivent chaque parole et chaque acte des enfants d'Adam alayhi salam, que ce soit pour ou contre eux. Et à ce sujet, il est rapporté qu'un homme est entré auprès de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala alors qu'il gémissait de douleur. Il lui a alors dit, « Ya Aba Abdillah, tu gémis alors que Taous a dit que l'ange écrit toute chose, même le gémissement du malade. » Taous a dit que l'ange écrit toute chose, même le gémissement du malade. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait à l'écoute de cette parole? Il cessa alors immédiatement de gémir, rahimahullah ta'ala. Et ce car les salafs avaient un grand respect pour les paroles les uns des autres. Et ceci lui a donc fait le rappel, il cessa alors immédiatement de gémir. Et parmi les anges, il y a aussi ceux qui sont chargés de parcourir la terre, recherchant les assises de rappel et de science. Et lorsqu'ils trouvent ces assises, ils s'y assoient. Et ceci est une des bénédictions des assises de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. D'autres anges sont chargés de protéger les enfants d'Adam, d'autres de retirer leurs âmes, et d'autres de les interroger dans leur tombe, etc. Le musulman, il se doit donc de croire fermement en tout ce dont nous avons été informés dans le Coran et la Sunna authentique au sujet des anges de façon générale et détaillée. Le troisième pilier de la foi est la foi en ses livres, c'est-à-dire la foi aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu à ses messagers. Cependant, il est important de savoir que l'ensemble des livres précédents ont été abrogés par quoi? Par le Coran, qui prévaut sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ » Et sur toi, c'est-à-dire Muhammad, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Ainsi, tous les livres qui ont précédé le Coran, ils sont abrogés par celui-ci. Et la foi au livre, elle comprend quatre choses. Premièrement, que l'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des livres aux messagers et que ces livres proviennent d'Allah. Cependant, en dehors du Coran, les livres précédents et qui sont présents aujourd'hui ont été altérés et modifiés. Deuxièmement, que l'on croit à l'authenticité de ce qui s'y trouve, c'est-à-dire de ce qui se trouve dans ces livres, comme le Coran, ainsi que ce qui n'a pas été altéré dans les livres précédents. Et on doit croire également que seul le Coran n'a pas été altéré, car il est préservé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, que l'on croit en ce qui s'y trouve comme règle, tant que cela ne s'oppose pas à notre législation. Et quatrièmement, que l'on croit au nom des livres dont nous avons connaissance, comme le Coran, la Torah ou l'Évangile. Ainsi, quiconque mécroit en la Torah, ou quiconque mécroit en l'Évangile, et dit que ce ne sont pas des livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a alors mécru, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième pilier est la foi en ses messagers, c'est-à-dire ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour les hommes. Le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, et le dernier est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons donc en tous les messagers qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé de Nuh à Muhammad, et nous croyons en leur nom, ainsi qu'en ce qui nous est rapporté à leur sujet dans le Coran et la Sunna authentique. Le cinquième pilier est la foi au jour dernier, c'est-à-dire que tu crois en tout ce dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé parmi ce qui arrive aux serviteurs après la mort, comme l'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe ou ses délices, la résurrection, la tenue des comptes, l'intercession, le paradis et l'enfer, et ainsi de suite parmi les choses qui se produisent après la mort du serviteur. Le sixième pilier est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ici, comme vous le voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété le verbe en disant « Et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ceci a fait d'attirer l'attention sur l'importance de la foi au destin. Et la foi au destin, elle comprend quatre choses. Premièrement, que tu crois au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe toutes choses de façon globale et détaillée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses, et ceci va te pousser à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a connaissance de chaque mouvement que tu fais, que tu accomplis. Deuxièmement, que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses sur la tablette préservée. Il a écrit tout ce qui va se produire, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Troisièmement, que tu crois que tout ce qui a lieu dans l'univers n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah veut a lieu et ce qu'il ne veut pas ne peut avoir lieu. Quatrièmement, que tu crois qu'Allah a créé toutes choses. Ainsi, les œuvres des serviteurs, elles font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, les serviteurs accomplissent ces œuvres de leur plein gré et de leur propre volonté. Ils accomplissent ces œuvres de leur plein gré et de leur propre volonté. Ceci était donc une explication concise des piliers de la foi et de ce qu'ils impliquent. Il lui demanda ensuite, informe-moi au sujet de la bienfaisance. Informe-moi au sujet de l'ihsan, la bienfaisance. Il dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Ceci est le troisième et le plus haut degré de la religion. Et la bienfaisance vis-à-vis d'Allah, c'est que tu accomplisses tes œuvres sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu es sincère et plus tu te conformes à la sunna, plus tu augmentes en termes de bienfaisance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la bienfaisance envers ses créatures, elle consiste à leur prodiguer le bien, que ce soit par la parole, les actes, l'argent ou autre. Et la bienfaisance est de deux degrés. La bienfaisance est de deux degrés. Premièrement, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, c'est-à-dire en recherchant et en désirant ce qu'il y a auprès de lui, et ceci t'encourage à te rapprocher de lui. Car tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Donc tu l'adores comme si tu le voyais. Tu cherches et tu désires ce qu'il y a auprès de lui. Et ceci t'encourage donc à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration et par les œuvres pieuses. Le deuxième degré, c'est que tu l'adores en te rappelant qu'il te voit. Et ceci te pousse à le craindre. Car si tu t'opposes à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il te voit, tu l'adores donc en le craignant et en fuyant son châtiment. Et ce degré est plus bas que le précédent. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné en second. Il lui demanda ensuite, informe-moi au sujet de l'heure. Il dit, celui qui est interrogé à son sujet n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'heure, c'est le moment de la résurrection. Lorsque les gens sortiront de leur tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, celui qui est interrogé à son sujet, c'est-à-dire lui-même sallallahu alayhi wa sallam, n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. C'est comme s'il lui disait, si tu ignores la réponse, alors je l'ignore d'autant plus et je ne peux pas t'informer à ce sujet. En effet, seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de cela comme il a dit dans son noble livre, yas'aluka an-nasu 'anis-sa'a. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Sa connaissance est exclusive à Allah. De ce fait, il est obligatoire pour nous de démentir toute personne qui prétend connaître la fin de ce bas monde. Quiconque prétend cela ou y croit, il a alors mécru. Car certains charlatans, ils prétendent connaître quand aura lieu la fin de ce bas monde. Et il est obligatoire pour nous de les démentir, car quiconque croit en ce qu'ils prétendent, il devient mécréant par cette croyance erronée, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Si le meilleur des hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salam, ignore cette chose, alors comment autre qu'eux pour en avoir connaissance? Comment autre qu'eux pourrait en avoir connaissance? Après cette réponse, l'homme lui demanda alors, informe-moi alors au sujet de ces signes, c'est-à-dire les signes annonciateurs de l'approche de l'heure. Il dit, c'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse, c'est-à-dire que l'enfant de l'esclave deviendra maître d'autres esclaves, et non pas son maître à elle, et non pas son maître à cette servante. Et ceci indique un changement rapide de situation, c'est-à-dire que l'homme, il passera de la situation d'esclave à la situation de maître, comme dans ce qu'il a indiqué ensuite. Et que tu verras les miséreux bergers, aux pieds nus et mal vêtus, se concurrencer dans la construction des édifices. Les miséreux bergers, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres et qu'ils ne possèdent pas suffisamment d'argent pour vivre et pour se nourrir, aux pieds nus, car ils n'ont pas de chaussures à mettre à leurs pieds, et mal vêtus, car leurs vêtements sont modestes, ou bien leurs vêtements ne couvrent pas complètement leur nudité, comme c'est le cas de certaines personnes parmi les bédouins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc annoncé que ceux dont telle est la description, ils se concurrenceront dans la construction des édifices de plus en plus haut. C'est-à-dire que tu les verras passer de cet état de pauvreté à une richesse abondante, au point qu'ils se concurrencent dans les édifices. Qui d'entre eux construira la plus haute bâtisse? Qui d'entre eux construira le plus bel édifice? Ils étaient hier pauvres, mais leur situation a rapidement changé, et ceci indique la proximité de l'heure, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous préserver. Omar radiallahu ta'ala anhu a ensuite dit, puis il partit, j'attendis un moment. C'est-à-dire qu'il attendit un long moment. Et certains ont dit qu'il attendit 3 jours, d'autres ont dit plus ou moins que cela. Et ce qui importe est qu'il attendit un long moment. Puis il me dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Omar, sais-tu qui était le questionneur? Je dis, Allah et son messager savent mieux. Et ceci prouve que Omar, radiallahu ta'ala anhu, ne savait pas que le questionneur était Jibril alayhi salam. Et ceci nous montre également le comportement que l'on doit adopter lorsqu'on nous interroge sur une chose dont on n'a pas connaissance. Lorsqu'on nous interroge sur une chose dont on n'a pas connaissance, on doit simplement renvoyer la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit alors, c'était Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. C'était Jibril alayhi salam qui est venu le questionner sous l'apparence d'un homme. Et l'objectif de ces questions était de vous enseigner la religion. Il a donc interrogé sur ces 3 degrés afin de vous les enseigner et de vous enseigner leurs piliers. Donc, comme vous le voyez, mes frères, ce hadith, il renferme de nombreux bénéfices. Et si quelqu'un souhaitait les dénombrer, il faudrait alors qu'il écrive des livres et des livres pour cela. Cependant, nous allons en énumérer quelques-uns, inshallah ta'ala. Premièrement, il y a dans ce hadith une preuve du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa modestie. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avec ses compagnons qui se réunissaient autour de lui. Il ne restait pas seul, il ne s'isolait pas d'eux et ne se considérait pas supérieur à ses compagnons comme le font les orgueilleux. Et la modestie, c'est une des caractéristiques des pieux. Et plus la personne fait preuve de modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle sera élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah élève ceux qui font preuve de modestie. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le mérite des assises auprès des gens de science afin de profiter d'eux et de leurs orientations. Et regardez la bénédiction de ces assises. On rapporte jusqu'à nos jours les enseignements de cette assise et on en tire des bénéfices immenses. Et les assises auprès des gens de science, savants ou étudiants, elles doivent être des assises de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas des assises banales dans lesquelles le temps est perdu. Mais celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la possibilité de s'asseoir avec quelqu'un qui a plus de connaissances que lui, il doit alors saisir cette occasion pour profiter de sa science. Il doit alors saisir cette occasion pour profiter de sa science. Le troisième bénéfice est que les anges peuvent prendre l'apparence humaine par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme dans ce hadith. Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme dans ce hadith. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, ce sont les bienséances relatives à l'étude de la science. Et ceci fait partie des choses qu'a enseigné Jibril alayhi salam dans ce hadith. Et on compte parmi ces bienséances le fait de se rendre dans les assises de science propre et avec une belle apparence. Comme on l'a vu dans le hadith, Jibril alayhi salam était vêtu de vêtements très blancs et il avait les cheveux très noirs, c'est-à-dire qu'il était propre. Et il est recommandé pour cela de porter donc des vêtements blancs. Il n'y a pas de doute que le meilleur des vêtements pour l'étudiant en sciences est le qamis, et il est recommandé qu'il soit blanc. Parmi ces bienséances également, il y a la manière de s'asseoir. Jibril alayhi salam, il a collé ses genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin d'être proche de lui. Et il s'est assis de façon respectueuse en posant ses mains sur ses cuisses. Et ceci nous indique qu'il convient à l'étudiant d'être proche de l'enseignant et d'être face à l'enseignant, et ce afin de bien pouvoir écouter ses paroles et ses orientations. Et aujourd'hui dans les assises, que font la plupart des frères? Que font la plupart des frères? On voit qu'ils s'assoient où? sur les côtés ou au fond de la salle contre les murs. Et parfois, il n'y a même pas un seul étudiant devant l'enseignant. Et ceci est triste et cela s'oppose aux bienséances relatives à l'étude de la science. Et ceci est un manque de considération envers la science. Il convient donc, lors de ces assises, de se rapprocher de l'enseignant et de s'asseoir face à lui. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a la permission d'observer l'étranger. En effet, on comprend dans ce hadith que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont observé cet homme, car ils l'ont décrit avec précision. Et on comprend même qu'ils ont parlé entre eux à son sujet, car il a dit, Omar, radiyallahu ta'ala anhu, nul d'entre nous ne le connaissait. C'est-à-dire qu'ils se sont interrogés mutuellement. Et ceci est même rapporté dans certaines versions de ce hadith. Ainsi, lorsque tu te rends dans un endroit dans lequel personne ne te connaît, tu ne dois pas réprouver le fait que les gens t'observent, surtout si tu es étranger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il n'a pas blâmé les compagnons pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas blâmé les compagnons radiyallahu ta'ala anhum pour cela. Sixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le mérite de l'islam. Et que c'est la première chose sur laquelle il convient d'interroger. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses compagnons pour prêcher, il leur a ordonné de commencer par quoi ? Il leur a ordonné de commencer par appeler aux deux attestations, puis à la prière, et ainsi de suite. Septièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a les piliers de l'islam, qui sont au nombre de cinq, comme cela est également prouvé par le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, que nous verrons lors de la prochaine assise, inshallah, ainsi que tous les bénéfices liés à ces piliers, bi'idhnillahi ta'ala. Huitièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a que la foi est d'un degré supérieur à l'islam, car il est possible pour un homme d'entrer en islam en apparence. Quant à la foi et la croyance du cœur, alors ceci est plus difficile, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à concrétiser notre foi. Neuvièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'islam est différent de la foi. L'islam est différent de l'iman. En effet, Jibril alayhi salam, il a tout d'abord interrogé sur l'islam, puis il a interrogé sur la foi. Et ceci prouve que ce sont deux choses différentes. Cependant, les savants disent que si la foi est évoquée seule, alors elle comprend l'islam. Et si l'islam est évoqué seul, alors il comprend la foi. Mais s'ils sont évoqués ensemble, alors ils diffèrent. Et leur différence, c'est que l'islam désigne les œuvres apparentes, comme les paroles de la langue et les œuvres du corps, alors que la foi désigne les œuvres secrètes, comme les croyances du cœur, ainsi que ses œuvres. Dixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que les piliers de la foi sont au nombre de six, et quiconque mécroit en l'un de ces piliers est mécréant, car en faisant cela, il a démenti le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Onzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que le plus important pilier de la foi est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de celle-ci découlent les autres piliers. Et de celle-ci découle la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, au jour dernier, ainsi que la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la religion est de trois degrés. Et le plus haut degré de la religion est la bienfaisance, qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et ceci est le plus haut degré. Et en te rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et observe tes faits et gestes, tout comme il entend chacune de tes paroles et a connaissance de ce que cache ta poitrine, ceci va t'encourager à parfaire ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Treizièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que nul n'a connaissance de l'heure en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas même le meilleur des hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salam. Quatorzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que l'heure ou la résurrection est un moment immense. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des signes. Pourquoi ? Afin que les gens s'y préparent. Et à chaque fois que le musulman prend connaissance d'un signe qui s'est produit, il se rappelle alors que l'heure approche et qu'il doit se préparer pour celle-ci. Comment ? En multipliant les œuvres pieuses et en se repentant de ses péchés, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la préparation pour ce grand moment et de nous préserver des frayeurs de ce jour. Quinzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que l'enseignant interroge ses élèves au sujet de ce qu'ils ignorent, et ce afin d'attirer leur attention, et qu'ils écoutent attentivement la réponse, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Omar sur le questionneur. Seizièmement, il y a également parmi les bénéfices de ce hadith, la permission de poser une question dont on connaît la réponse afin d'en faire profiter l'assemblée. Et en faisant cela, le questionneur, il est en réalité enseignant, tout comme Jibril alayhi salam. qui a posé ces questions dans le but d'enseigner la religion aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Cependant, mes frères, il est important de savoir que le questionneur, il doit prendre garde à son intention. Lorsque tu questionnes, ton intention, elle doit réellement être de faire profiter l'assemblée, et non pas de te mettre en avant et de montrer que tu connais cette chose, que tu connais cette chose que les autres ignorent, ou encore de vouloir rivaliser avec l'enseignant, car ceci est un mauvais comportement. Mais si tu interroges sur une chose que tu connais, dans le but que l'enseignant en parle et que l'assemblée en profite, alors ceci est une chose louable, et en faisant cela, c'est toi en réalité qui as enseigné. Enfin, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que ce hadith est l'exposé global de la religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est venu pour vous enseigner votre religion. Et les détails de celle-ci, elles se trouvent à travers l'explication de ce hadith. Donc comme je vous l'ai dit, ceci n'est qu'un résumé de quelques bénéfices tirés de ce hadith, et pour les mentionner tous, il nous faudrait des heures et des heures, et des cours et des cours. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a mentionné, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.